brûler dans la nuit. Il pleuvait des cendres au matin. L'humour noir encore, je conduis sur des sables lunaires incertains. Tu sais bien que tu me sers à rien quand je n'en lis et que tu tiens des propos vertigineusement vides, de longs monologues d'hémorroïdes. Toi, je te coupe la carotide. J'imagine déjà tes cris ensanglantés, tes mains rouges sur ton cou trempé. Tu disparais dans ton sang. Le silence est un lingot brillant qui pèse, mais la richesse a un coup. Un coup des coups bas et je m'en fous. Seul avec le cœur en banqueroute, soulagé dans la douleur du sable.